Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 32e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. Ça me touche beaucoup que vous appréciez cette émission en famille. Une bien belle récompense que voilà. C'est ça d'être intergénérationnel. On commencera cette émission avec Social Distortion et I Was Wrong. C'est sur White Light, White Heat, White Trash, sorti le 17 septembre 1996. On peut entendre Through These Eyes, Don't Drag Me Down et Pleasure Seeker notamment. Je passerai ensuite Pression de La Gâchette, c'est sur l'excellent Dans Ta Face, sorti en 2015. On peut entendre Dernière Virée, Jackpot et Dans Ta Face, entre autres. On s'écoutera ensuite un bon vieux Massilia Sound System, Quand le son des bon, Quand le son des bon. C'est sur le nom mon fameux Commando Fada, sorti en 1995. On retrouve Occitan, les sons numéro 1, Dégani Personne et Commando Fada notamment. Je diffuserai ensuite État d'âme de Désillusion, c'est sur l'album Metal Influence, sorti en 2014. On peut entendre Serial Killer, Metal Influence et La Bête du Gévaudan. J'adore cet album. Et on finira ce bloc en live avec Lita Ford et Relentless, c'est sur l'album Beach is Back. En live, sorti en 2013, on retrouve Living Like a Runaway, Devil in My Head et Hungry, entre autres. Fast, I grew up hard. Some cette chanson pour calmer mes palpitations. J'aurai l'air d'arrêter, j'espère pas tomber la pression. On travaille plus vite, sur les chantiers c'est la panique. Du côté des usines, on monte le rythme des machines. Pour plus après, tout va finir par sauter. Chaque jour j'accumule des injures par mon patron. Aucune reconnaissance, je ne reçois que de la pression. Tant de stress en durée, je vais finir par éclater. Pas peur d'être possible, il n'arrive jamais rien pour rien. Calmez la chienne, tout va finir par sauter. Tout à l'heure, tout à l'heure, nous sommes victimes de coups montés. Tout le que je respire me semble trop intoxiqué. J'ai tout que je veux survivre, j'ai les larmes qui veulent me lâcher. J'ai envie de vomir, je suis en fait crise de panique. Je bouge jusqu'aux limites, je sens que je perds l'équilibre. Je tombe vite, tout va finir par sauter. Tout le temps, tout le temps, je suis victime de coups montés. Tout le temps, tout le temps. Thank you. fier de son terroir. Organiser des centsystèmes tous les samedis soirs. Mais que dire, que faire pour être fier de son terroir? Organiser partout des débats contradictoires. Ah, mais que dire, mais que faire pour être fier de son terroir? Sortez vos poètes et vos écrivaines de vos placards. Mais que dire, que faire pour être fier de son terroir? Inscrivez vos plasticiens au sommaire de l'histoire de l'art. Bien dérisoire sont ceux qui propagent l'idée que les cultures locales sont mineures et sans intérêt. Et quand le son des bancs, quand le son des bancs, quand le son des bancs, elle te fait bondir au plafond. Et je dis quand le son des bancs, quand le son des bancs, quand le son des bancs, elle terrorise les bébons. Troubadour, Tchali, connu sous le nom de Papéji. Je reviens sur la version car je n'ai pas fini. A tous les pébrons, je reviens ici m'adresser à ceux qui pensaient que notre combat était dépassé. À cela, je voudrais simplement faire remarquer qu'ils sont restés sans progresser pendant que nous on avançait culturellement et idéologiquement. Je dirais que notre bénéfice est important. L'inimagino, Fabulous et Félix Castan, Bernard Lubarov, leur promotion et la tourme au fond avant. Hey, quand le son des bancs, quand le son des bancs, quand le son des bancs, il te fait bondir au plafond. Écoute ça, quand le son des bancs, quand le son des bancs, quand le son des bancs, il terrorise les mémoires. Quand le son des bancs, quand le son des bancs, quand le son des bancs, il te fait bondir au plafond. الى قهوه الى سكور الى تقشيشت تقشيش سوا سوا الى وين تقشيشت الها اجبح ملويز اسمي هيزا ايوا نغاس اسمي ما اني اسمي ويزا اصدقائي ارماسيديا نغاس اسمي ما اني اسمي ويزا اصدقائي ارماسيديا تاتو اني اروح اغلق قفايل ويا امن ساخم ريح تقشي سوا سوا We'll be right back. preuve d'armes, finir par un drame. J'ai pris une arme, mais rien qu'une balle, sans état d'âme. Voilà mon drame. J'ai pris une arme, mais rien qu'une trying to do is drive me insane. Oh, Vous êtes toujours dans la 32e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On poursuivra cette émission avec Chaos Urbano et A la Mierda. C'est sur l'excellent Te Olvidas de Materme al Nasser, sorti en 2011. On peut entendre des Madrid al Inferno, Tu Politica, Generación Perdida. Et je passerai ensuite Time to Make Your Move de Cox Parer. C'est sur l'album Here We Stand, sorti en 2007. On retrouve Too Late, True to Yourself et Last Orders notamment. On s'écoutera ensuite Dread a Dread de Jacob Miller. C'est sur l'album Telamente Tear, sorti en 1980. On peut entendre Money, Truth Has Come Again et All Night Till Daylight. Je passerai ensuite le nouveau président de Parabellum. C'est sur l'album A Voter, sorti en 2013. Et oui, le dernier album studio de Parabellum. Il nous manque Shoot. On peut entendre La Victoire, J'en ai rien à foutre, Le 13e salopard et Osmos 2012, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Scapé et Mis Colegas. C'est sur Incontrôlable à Paris en 2003. On retrouve A la Mierda, Planeta Escoria et Cannabis notamment. No estáis de acuerdo con el mundo que os ha tocado, pero no hay salida. No podéis cambiarlo. Hay que aceptar las reglas del juego. Pero vosotros no sois culpables. Porque todavía sois capaces de soltar una lágrima por la revolución que no pudo ser. Sois unos farsantes, hijos de puta, que merecéis mi más profundo desprecio. Durante un año he sido vuestro bufón. Me avergüenza no haber tenido el coraje de hacer esto mucho antes, coño. Me niego a seguir siendo vuestro cómplice. Venga, que siga la farsa. ¡Chivatos lameculos traidores! ¡Borregos amarillos vendidos! ¡Hipotecados, tocados y hundidos! ¡Si esa es mi estirpe, cambio de camino! Compras por comprar, vaya a ver. I know what I'm talking about this day. Eh oui, c'est moi Schulz, le nouveau président. Eh oui, et c'est moi Schulz, le nouveau président. Au début, j'y ai pas cru, mais j'ai été élu en un poil de cul. 500 signatures, j'en ai pris des bitures. Ça c'est sûr. Premier point de mon programme, dans mon gouvernement, rien que les femmes. Pareil pour le Parlement, je veux des garnements de moins de 12 ans. C'est moi Schulz, le nouveau président. Eh ouais, eh ben c'est moi Schulz. Sera remanié à fond par les quebons. L'ENA et Polytechnique reconvertis en parc zoologique. Ces enfoirés du MEDEF auront un triple F, c'est tout bénef. Quant au croulant du Sénat, tout le monde au RSA, ça suffira. Trouver les banquiers pendus dans les quartiers, ça va barder. Les barons de la finance sont en cavale en France, alors on danse. Les grands patrons, les lobbies enfermés à Fleury et c'est gratuit. Les préfets, les généraux sont devenus clodo, et ça c'est pas de beau, hein. J'ai même pas prêté serment, déjà le pays est à feu et à sang. Putain, c'est un vrai bordel, je vais prononcer un discours solennel. Je passe le bain, je reprends la route, j'ai quand même pas que ça à foutre. Le nouveau président, il faudra tout péter, tout recommencer. Et il y aura du boulot, faut tout reprendre à zéro. C'était moi, Schulz, le nouveau président. Yeah! vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar. La mayoría del paro y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el mapa. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. ¡Vamos, peña! ¡Bien, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. ¡No! Chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa: legalizar. Esto tiene que cambiar. Lo vamos a cambiar. Seguimos. ¿Qué te ha pasado? Que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias, comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. ¡Fuerte todos! ¡Bien, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No me dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa: legalizar. Esto tiene que cambiar. Lo vamos a cambiar. Agresividad. No somos ratas de ciudad. Agresividad. Contra el estado del malestar. Agresividad. No somos ratas de ciudad. Agresividad. Contra el estado del malestar. Al infierno hay un paso, nada más. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. Yeah, chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general, no dejéis nunca, nunca esclavizar. La unión hace la fuerza, nunca lo vas a olvidar. Muchas gracias, gente. Vous êtes toujours dans la 32e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon sur votre radio favorite. On poursuivra en live avec Alpha Blondie et Hypocrite, c'est du double live à Bercy en 2001. On retrouve Dia Glory, Sweet Fanta Diallo et Journaliste en Danger notamment. On s'écoutera ensuite A Real Kiss de Darkoustique, ça y est, il est sorti, le clip de l'excellent Dorca que j'ai diffusé au mois de décembre dernier. Il est sur YouTube, allez faire un tour sur la page YouTube et Facebook de Darkoustics. C'est sur le non moins excellent album Outzone, sorti en novembre 2015. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. On peut entendre DXE, You et Dancing Peace. Je passerai ensuite Black Sabbath et All in the Sky. C'est sur l'album Sabotage, sorti en 1975. C'est le sixième album des Black Sabbath. On retrouve Don't Start Too Late, Megalomania et Super Tsar. Tiens, une nouveauté. Enfin, nouveauté. Les vents passent. C'est pas moi qui suis trop vieux. Votre musique, c'est vraiment de la merde. Comme quoi, je suis pas seul à le dire. C'est sur le superbe Les vents passent font la gueule, sorti en 2014. C'est le 11e album des vents passent. On peut entendre Je voudrais, Toi et moi et Les lesbiennes bavaroises. Un top album. Et on finira ce bloc en live avec les Specials et Guns of Navarone. C'est sur l'album Specials, sorti en 1979. On retrouve A Message to You, Rudy, Gangster et Too Much Too Young. Et voilà. J'ai peur de...

Vous êtes toujours dans la 32e Vampire Freaks, c'est Spike qui vous accompagne. On poursuivra cette émission en live avec les Shérifs et Jouer avec le feu. C'est sur l'album Bang, sorti en 2014. On retrouve Issel Narpeau Noir, À coups de batte, Je veux savoir pourquoi, entre plein d'autres. Et oui, c'est un double album. Je diffuserai ensuite Ghost in the Chamber de Nelly Olson. C'est sur l'album We Are Noisy, sorti en 2014. On retrouve I Don't Like, Maria Gate et 1966, entre autres. On s'écoutera ensuite Mass Hysteria et plus que du métal. C'est sur le génialissime Matière Noire, sorti en 2015. On retrouve L'Espérance et le Refus, L'Enfer des Dieux, Chien de la Casse notamment. Et on continuera avec Alborosi et Soundkiller, c'est sur Soul Pirate, sorti en 2008. Il a été réédité en édition de luxe contenant 22 titres, dont Police, Slam Bam et One The Herb notamment. Et on finira ce bloc en live avec Placebo et Bionic, c'est sur le Live à Paris en Zénith en 2003. On retrouve Black Hyde, Protect Me et Bitter End entre autres. And then back in! Le sang espagnol qui est dans mes veines, me pousse jusqu'aux extrêmes, dans l'amour et dans la haine, qui est jusqu'au bout de moi-même. Le sang passé qui circule en moi, me conseille malgré moi, me sauver les apparences, et me dit que la prudence. Alors, lequel est de choisir, celui qui va trop loin, we'll

piédestal. Quand tout est feste, la musique extrême s'installe. Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal. Une faune sauvage et diverse sous la grande ours. Tout solitaire pour aller boire à la même source. Sortez les crash barrières de leur putain de palière. Dédicace à tous les rondes qui construisent nos tanières. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonsoir. On va procéder avec une chanson de notre premier album. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 32e Vampire Freak sur votre radio favorite. On s'écoutera Jane's Addiction avec Underground. C'est sur le Great Escape Artist sorti en 2011. On peut entendre Curiosity Kills, Irresistible Force et Super Hero. Je passerai ensuite Liberté de Dubba Mix. C'est sur l'album Pour qui sonne le dub sorti en 2014. On retrouve Valsin Dub, Pour qui sonne le dub et Crisis. Allez faire un tour sur la page Facebook de Dubba Mix. Et un petit like au passage. Et il a une page Bandcamp aussi de Bamix. On s'écoutera ensuite Gesicht de Betotond. C'est sur l'album Traum vom Freiheit, littéralement Rêve de Liberté, sorti en 2015. On peut entendre Mein Leitzertag, Nur vor ein Nacht et Forever, entre autres. Je passerai ensuite Je ne veux pas ton pouvoir de Tikenja Fakoli. C'est sur African Revolution, sorti en 2010. On retrouve Il faut se lever, se lever, se lever pour changer tout ça. Political War et Laisse-moi m'exprimer notamment. Et on finira ce bloc en live avec Judge Dredd et Big Ten. C'est sur l'album Early Years, Live and Left, sorti en 1994 et réédité en 2013. On retrouve Big Punk, Dread Rock et Jamaica Jerkoff, entre autres. I try and find some love for my pride. There just ain't enough to go around. Reflected my feet back in the ocean. geladen, die sich mit ihrem Tod verlor. Doch allmählich wächst das Unkraut aus ihren Gräbern empor. Wir sind geboren, um frei zu sein. Diese Angst vor allem Fremden sperrt uns ein. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir haben die Pflicht, nicht zu vergessen. Geschichte muss Geschichte bleiben. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la voix. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Je suis comme un enfant, naïf et sans limite. Toi tu es déjà vieux et ton regard est désolant. Tu cours après le temps, mais le temps passe vite. Moi je suis là, je marche et j'ai vu le moment présent. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent, mais les miennes sont de pierre et les tiennes sont d'argent. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la voix. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. De rire et de soleil. Toi tu donnes des ordres et n'en finis pas de compter. Dès que je tends la main, dès que je tends l'oreille, je trouve des trésors que tu ne peux pas attraper. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent, mais les miennes sont de miel et les tiennes sont d'argent. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la voix. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Si tu pouvais t'arrêter sur le côté de la route, si tu pouvais t'arrêter, tu le comprendrais sans doute. Sont ni frère ni cousin. Je n'irai pas, n'aie pas peur, me servir dans ton jardin. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la voix. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de l'avoir. Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Is called Big Ten. sitting on the grass. One shoved a finger up the other one's I had a girl the other night, just as the day was dawning. A crowd came by and they joined in, and our case comes up in the morning. Old Mother Riley, she got drunk, she fell on the fire and she burned her. Girl who lives next door to me, some babes on the lawn. I peep over the garden fence and I always get the Sally Ho! My latest girl is slightly deaf, with her it's never heaven. Her conversation's rubbish, still I always cock a deafen. Where you coming, darling? Aye. You know what they say? What? Too much makes you deaf. Oh well, I think I'll go home and take the wife's tights off, make your legs itch. Well, actually, this is our last night of cabaret down here tonight, which is rather sad, because we're away up the north after that. Now, what we're going to do now, this is dedicated to anybody who's up the pudding, or who's likely to be up the pudding. Cette 32e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Pour finir, aujourd'hui, on se quittera en live avec 103 Pogo et Brésiland. C'est une façon pour moi de saluer tous nos amis bretons disséminés aux quatre coins du globe et sur les mers qui nous écoutent et sur les terres évidemment. Je la dédicace à Carole qui nous écoute via archive.org à Brive-Charensac. Continuez à me laisser vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, viendez, likez. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Petite chanson, ça va être question d'identité, et puis c'est un petit fuck, un gros break dedans le temps. On aime bien les punches, autant que les beurs, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous, on aime toutes les tendances, le trash, le tango, la java. On est toujours en partance, pour un concert, n'importe quoi. Bravo. Tango, tango, mi amore, arriva, te quiero, ah, ah, ah. Nous ne sommes de vrais cinètes, pas vraiment bêtes et pas méchants. On aime bien les punchettes, autant que les beurs, évidemment. Aïe, aïe, aïe. dans un groupe de punk hardcore. Mais il aime avant tout la rue. Pour le pinard, le sens le monde. Witch of Truth. Nous, nous sommes de vrais soumettes. Pas vraiment bêtes, pas méchants. On aime bien les punchettes. Pour le temps des meurs, évidemment. Aïe, aïe, aïe. C'est les groupes de rac à la con. Tout ce qui n'est que mes fesses. On va vous apprendre la chanson. Nous nous sommes de vrais skillettes. Pas vraiment bêtes et pas méchants. On aime bien les punchettes. Portant les birds évidemment. Nous nous sommes de vrais skillettes. Pas vraiment bêtes et pas méchants. On aime bien les punchettes. Portant les birds évidemment. Oi. Merci les gens.